Bonsoir à tous. Nous n'avons pas de micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, nous demanderons aussi au professeur Marc Linard de parler comme s'il était à l'université. C'est un plaisir et un honneur que de vous accueillir si nombreux pour cette conférence du professeur Marc Linard, organisée en collaboration avec l'association Reuss, qui vient de tenir son assemblée générale ordinaire annuelle dans nos locaux. Je salue donc les membres de l'association, plus particulièrement les descendants du théologien Édouard Reuss et de l'historien Rodolphe Reuss. Je salue Madame Agathe Bischoff-Morales, qui est la conservatrice du fonds patrimonial de la médiathèque Malraux et qui est la co-secrétaire de l'association avec Laura Blasuto, la bibliothécaire du lieu. Et je cède la parole au professeur Mathieu Arnold, le président de cette association, qui va nous dire quelques mots sur les buts de l'association Reuss et qui introduira ensuite la conférence du professeur Marc Linard. Mathieu, voilà. Alors rassurez-vous, je ne vais pas être long parce que je sais que vous êtes venu pour entendre Marc Linard. Donc l'association Reuss a été fondée en 1992 et elle a pour but notamment de valoriser les fonds qui se trouvent à la médiathèque Malraux et ici, relatifs à Édouard, le théologien, le grand historien de la Bible, exégète, et Rodolphe Reuss, le grand historien de l'Alsace. Vous connaissez ses travaux sur la sorcellerie, mais il y en a bien d'autres. Et donc, nos assemblées générales, qui sont moins fréquentées que cette conférence, sont généralement suivies par des conférences grand public. Et j'ai été très honoré lorsque, l'an passé, ayant appris que notre assemblée coïnciderait à peu près avec la parution du dernier ouvrage de Marc Linard sur Luther, je lui ai demandé s'il nous ferait l'amitié et l'honneur de parler du thème de cet ouvrage à cette occasion. Et avec la générosité qui est la sienne, il a accepté aussitôt et je lui en suis très reconnaissant. Ce n'est pas à moi de présenter Marc Linard, mais j'aimerais simplement lui dire notre reconnaissance parce que cela fait 50 ans qu'il est le maître des études luthériennes en France et qu'il arrive toujours à renouveler son propos sans se répéter, commencer par un ouvrage sur la théologie de Luther, son image du Christ dans tous ses écrits, continué par la biographie de référence en 1983, passer ensuite par un ouvrage plus thématique sur l'image à nouveau du Christ dans les écrits de Luther, proposer en 1999 une biographie plus grand public qui fait apparaître l'aspect humain de Luther, dont il n'avait pas pu parler en 1983, publié il y a quelques semaines un petit Luther concentré sur les textes, notamment du réformateur, avec un CD, ces textes qui sont lus par Michael Lonsdale, et puis venir maintenant sur un ouvrage totalement inédit qui présente le réformateur avec depuis ses sources jusqu'à sa place dans l'histoire. Moi, je ne peux dire que mon admiration pour mon maître Marc Linard, c'est il y a 33 ans qu'il m'a fait découvrir Luther lorsque j'étais en première année de théologie. Merci beaucoup à vous et nous avons tous hâte de vous entendre. Bien, bonsoir. Nous sommes donc entrés dans l'année Luther. Et les manifestations de tout genre se multiplient, des colloques scientifiques aux conférences grand public, des livres aux journaux, et prochainement une BD, c'est pas la première, mais enfin ce sera une très belle BD. Beaucoup d'auditeurs et de lecteurs veulent du Luther. Il y aura même un oratorio Luther qui sera représenté au moins une dizaine de fois l'année prochaine, au mois d'octobre et de novembre. Il est en train d'être terminé, enfin, pas tout à fait terminé. C'est sans doute la première fois que la commémoration des 95 thèses est écuménique. Depuis 50 ans, les travaux catholiques sur Luther se sont multipliés en débouchant sur l'idée que malgré la division de l'Église, Luther pouvait être, d'après les mots d'un théologien allemand catholique qui s'appelle Peter Manns, un père dans la foi, reprend évidemment un passage de l'apôtre Paul. Donc Luther peut être une source d'inspiration, non seulement pour les protestants, ça c'est classique, mais aussi peut-être, dans une certaine mesure, pour les catholiques. La présence récente du pape à Lund, en Suède, couronne d'une certaine manière l'attention catholique portée à Luther, même si bien des questions restent ouvertes. Alors quel est le but de l'ouvrage que vous avez là sur cette table? Je dirais qu'il a deux grandes visées. D'une part, présenter de manière synthétique la théologie de Luther, ce qui a été rarement fait dans l'espace francophone, et en un second lieu, situer Luther dans l'histoire, c'est-à-dire voir comment Luther a été tributaire du passé, et puis en quoi consiste la nouveauté de sa démarche. Pourquoi et comment aussi s'est opérée la rupture, dont nous voyons encore les conséquences aujourd'hui. Et aussi, quelles furent les conséquences de l'émergence de Luther, de ses écrits, de son activité, en particulier de se demander ou d'essayer d'exposer en quoi consiste son apport à la modernité, sous l'angle culturel et sous l'angle sociétal. Alors, avant d'aborder tout cela, un prélude de plusieurs chapitres qui présente d'abord sommairement la vie de Luther, l'homme qu'il était, ses écrits, et puis la redécouverte de Luther par un des grands maîtres de la Lutherforschung qui s'appelle Karl Hall, début du XXe siècle, dont un disciple, d'une certaine manière, a enseigné à Strasbourg. C'était mon prédécesseur et il s'appelait Henri Strohl. Donc il y a une ligne qui va de Hall, l'allemand, au français Henri Strohl. Et puis, dans cette prélude aussi, les questions des débuts de la théologie de Luther dans ses premiers écrits. Alors pour comprendre un homme aussi complexe que Luther, on ne peut pas faire abstraction totalement de sa vie et de sa personnalité. Certains, comme l'écrivain allemand Goethe, pensaient que c'était là la seule chose intéressante avec Luther. Et il ajoute, toujours Goethe, le reste c'est quand même la justification par la foi. Eh bien le reste, pour Goethe, c'est un fatras qui nous encombre encore aujourd'hui. Voilà le jugement de Goethe sur Luther. Du côté catholique, on a d'ailleurs aussi eu tendance à se focaliser sur l'homme Luther, évidemment pendant des siècles de manière négative, et pour l'accuser, en affinant un petit peu le jugement, au XXe siècle, le reproche essentiel adressé à Luther d'un point de vue catholique, c'était le subjectivisme de Luther. Dans les églises protestantes, évidemment, on valorisait l'homme, le héros, O.S. ou A.U.T., comme vous voulez, de la foi, l'icône du protestantisme, même si depuis plusieurs décennies, il faut bien être honnête, on est attentif aussi aux limites de l'homme et de son action. Et puis, quelquefois, on a l'impression qu'on s'intéresse peut-être quand même plus au message de Luther qu'à sa personne. Alors au XXe siècle, les recherches sur Luther ont bénéficié d'un apport majeur. On a redécouvert les premiers commentaires bibliques de Luther. Sur les psaumes, premier commentaire, et le second sur l'épître aux Romains, inconnu jusque-là. Ils existaient bien sûr, mais l'un était même été redécouvert dans la bibliothèque du Vatican, qu'il n'avait pas détruit, mais mis sans doute sous clé, et en tout cas pas donné accès aux historiens. On ne peut plus aujourd'hui se contenter des maigres informations données au sujet des débuts de Luther dans ses propos de table ou de celles plus consistantes sur les 95 thèses. On a maintenant vraiment les débuts de la théologie de Luther. Luther doit donc être compris à la lumière de ses commentaires. Sa démarche est celle d'un exégète, d'un théologien attentif à la spiritualité, à la foi, et je relève combien peu intéressants ou peu originaux sont les questions relatives aux abus. L'Église de la fin du Moyen-Âge comportait un certain nombre d'abus, reconnus aussi aujourd'hui par les historiens catholiques aussi bien que protestants. Eh bien, ça tient peu de place dans ces premiers textes de Luther. Alors la prise en compte de ces deux commentaires, donc sur les psaumes et sur l'épître aux Romains, a conduit à deux sortes de conclusions. Pour Hall, je reviens toujours à Hall et son école, Luther est pleinement réformateur dès ses premiers écrits. les conflits de 1517 d'après Hall et des années suivantes ne sont donc qu'une conséquence de cette attitude première. Voilà Hall. Du côté catholique, il faut citer d'emblée un autre nom qui est celui de Joseph Lortz. Lortz qui publie une histoire de la réforme de Luther en 1939-40 et qui amorce la revalorisation catholique de Luther dans ce maître ouvrage. Alors pour Lortz et son école, parce qu'il a toute une école, Luther est pleinement catholique. Donc pleinement catholique et pas réformateur, pleinement catholique mais pas occamiste, c'est-à-dire pour Lortz, il n'y a qu'un seul grand théologien catholique au Moyen-Âge qui fait autorité, c'est Thomas d'Aquin, mais il y a une autre école qu'on appelle occamiste ou nominaliste, si vous voulez, qui effectivement s'est distinguée de l'école de Thomas d'Aquin en insistant sur la distance entre Dieu et l'homme, sur le côté non rationnel des vérités de la foi, mais aussi sur la possibilité pour l'homme de contribuer d'une certaine manière, en un premier temps, par ses actes humains à se préparer à l'obtention de la grâce qui justifie. Bon, en tout cas donc, pour Lortz et son école, Luther est pleinement catholique, mais, et il en sait gré à Luther, il a cette formule étonnante au sujet de Luther. D'après Lortz, Luther aurait vaincu en lui-même un catholicisme qui n'était pas catholique. Alors, il faut le faire, ça. Donc, d'après Lortz, justement, l'occamisme n'était pas catholique. Le vrai catholicisme, le seul, c'est Thomas d'Aquin. Tout le reste, c'est la décadence. C'est de la décadence. Je m'empresse de dire qu'aujourd'hui, on est moins critique vis-à-vis de l'occamisme que ne l'était Joseph Lortz. En tout cas, d'après Lortz, ce sont les thèses sur les indulgences et puis l'attitude très négative et jugée comme telle par Lortz de ses adversaires qui ont entraîné Luther à se distancer du pape et l'ont conduit vers la rupture et vers le protestantisme. Voilà la thèse, voyez, d'un côté Hall et de l'autre côté Lortz. Face à ces deux approches, et je parle de tout ça dans ce prélude, face à ces deux approches, il y a un théologien protestant du nom de Ernst Bitzer qui soutient en 1958 une nouvelle thèse. Il est d'avis que la théologie des deux commentaires, donc sur les psaumes et sur les romains, est pré-réformatrice. Donc, il prend tout à fait le contre-pied de Hall. Pré-réformatrice dans la mesure où l'humilité, qui est beaucoup soulignée dans ces deux commentaires, est considérée comme une sorte de préparation, d'après lui, une sorte de préparation humaine à l'obtention de la grâce. Donc, pour Bitzer, il n'y a pas encore la justification par la foi avant 1518. C'est seulement à cette date, 1518, que Luther devient pleinement réformateur avec une théologie de la parole pleinement affirmée. Voilà donc trois grandes interprétations des débuts de la théologie de Luther. J'aborde cette problématique dans deux sous-chapitres du prélude, et puis ensuite, suit un exposé sur l'Église dans les premiers textes de Luther. Dans les chapitres suivants, je suis le fil de l'exposé, c'est la théologie de Luther qui va être traitée en détail, puis ensuite sa place dans l'histoire. Il y avait là, si on veut traiter de la théologie de Luther, un écueil ou une tentation à éviter. Même les historiens et les théologiens encore plus ont des tentations. Quelle était cette tentation? C'était de se limiter à une présentation dogmatique de la théologie de Luther. Je n'ai rien contre la dogmatique, Dieu m'en préserve, ma fonction, c'est d'étudier Luther sous un angle historique. Alors, il sera question après, par la suite, dans l'ouvrage de thèmes de théologique de Luther. Mais avant de les aborder, j'ai privilégié deux autres approches. D'une part, la première, c'est de prêter attention aux sources de Luther. Luther n'est pas tombé du ciel comme un météore, et il n'est pas un auteur intemporel qui aurait tout inventé. Il est tributaire, plus qu'on ne le dit en général, de la tradition, à commencer, bien sûr, par la tradition biblique. Ça ne signifie pas qu'il fasse une sorte de synthèse de toutes les traditions bibliques et autres. Sa réception est toujours critique, mais toujours aussi sur la base de la Bible. Mais il faut montrer comment, à côté de la Bible, des pères de l'Église et des mystiques, Luther s'est situé par rapport aux traditions, par rapport aux traditions, à l'héritage monastique, et comment il a été marqué par la théologie scolastique et par l'humanisme. S'il a bien posé de nouveaux accents, et le père Congar, Yves Congar, que vous connaissez au moins de nom, qui était pendant quelques années à Strasbourg, eh bien, Yves Congar a dit de Luther, il a repensé tout le christianisme. Il a repensé tout le christianisme. Il est critique aussi, par-ci par-là, vis-à-vis de Luther, mais en tout cas plein d'admiration, en disant, je le mets même au-dessus de Thomas d'Aquin, au-dessus d'Augustin. Mais il a aussi un petit peu toujours la thèse du subjectivisme de Luther. La manière dont Luther a mené le dialogue avec donc les diverses sources et traditions fait l'objet du second chapitre. Je vais maintenant me limiter forcément à quelques exemples. Il est question d'abord dans ce sous-chapitre de la place donnée à l'Ancien Testament. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a beaucoup plus de textes, de commentaires de l'Ancien Testament et de cours sur l'Ancien Testament chez Luther que du Nouveau. Luther était, on dirait aujourd'hui, un professeur d'exégèse de l'Ancien Testament. Alors évidemment, avant tout et toujours encore, les psaumes. Le moine qui était Luther priait les psaumes, il les connaissait par cœur. Donc il y a au moins deux, sinon trois commentaires sur les psaumes de Luther auxquels il faut vraiment prêter attention. Ensuite, je parle évidemment du christocentrisme de Luther quand il interprète la Bible. Tout le jugement qu'il porte aussi sur les divers livres bibliques s'oriente en fonction de la place du Christ sauveur et de la justification par la foi. Ce qui l'amène à dire qu'il y a des livres ou des écrits du Nouveau Testament qui sont moins importants ou qui sont même un peu à relativiser, comme par exemple l'épître de Jacques, qu'il qualifie, oh quelle horreur, d'épître de paille. Épître de paille, pourquoi ? Parce qu'elle ne parle pas suffisamment de la justification par la foi, de la grâce et du Christ. Et puis l'Apocalypse. En un premier temps, première préface, il a écrit des préfaces aux livres bibliques qui sont une source très intéressante de sa pensée. Et bien, dans une première préface à l'Apocalypse, il dit, c'est un livre compliqué, il n'est pas trop important. Et puis, curieusement, quelques temps plus tard, il publie une seconde préface de l'Apocalypse, où précisément, alors, il a changé d'avis, il interprète toute l'histoire de son temps à travers, d'une certaine manière, la lecture de l'Apocalypse. Alors, à côté de la Bible, il y a, tout en lui étant soumis, il y a les symboles et les confessions de foi de l'Église ancienne, que Luther a pleinement pris à son compte, et pas seulement le credo apostolique. Et puis, il y a les pères de l'Église. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, et le chapitre est devenu plus long que je le prévoyais au début. Luther a bénéficié des éditions des pères de l'Église réalisées par les humanistes de son époque. Il faut souligner évidemment la place de saint Augustin dans ses écrits. Saint Augustin est cité plus de 1000 fois dans les écrits de Luther. C'est avec ce père de l'Église dont il lit les écrits anti-pélagiens. Pélage était un moine combattu par Augustin, et ce moine voulait faire place à la volonté humaine pour l'obtention du salut. Et alors Augustin se dresse et défend donc la grâce dans la justification et dans le salut de l'homme. Luther redécouvre ses écrits en 1515-1516, peut-être même déjà avant, et donc Augustin va être un des grands témoins auxquels il va toujours se référer. Même si dans les années 30, il dit, quand j'ai découvert saint Paul, Augustin, c'était fini. Là, il exagère. Ça lui arrive d'exagérer. Et ma lecture de Luther n'est pas toujours seulement hagiographique, parce qu'il faut aussi montrer que Luther, il lui est arrivé de se tromper. Et c'est pas seulement sur des sujets secondaires, mais quelquefois sur des sujets importants. Cela dit, il y a aussi des différences entre Luther et Augustin. Je vais vous donner des exemples. Pour Luther, par exemple, la grâce, c'est le regard de Dieu, le regard miséricordieux de Dieu porté sur l'homme. Alors que pour Augustin ou Saint-Augustin, si vous préférez, il parle de la grâce comme presque comme d'une substance qui serait versée en l'homme, qui s'intègre à la subjectivité de l'homme, qui transforme l'homme. Grande différence, dans l'approche des choses. D'autre part, pour Luther, dans le baptême, Dieu pardonne le péché, mais celui-ci demeure en l'homme jusqu'à la fin. Alors que pour Augustin, le péché est peu à peu extirpé. Grande différence encore. D'autres pères sont présents dans l'œuvre de Luther, en particulier Jérôme, Athanase, Irénée, d'autres. Luther suit Jérôme, grand-père aussi de l'Église. Tant qu'il s'agit de philologie, c'est-à-dire de comprendre les mots, de comprendre les textes. Mais dès que Jérôme fait de la théologie, Luther lève les bras au ciel. Et il se détourne. Ainsi, il est indigné par l'affirmation de Jérôme que la pénitence est, après le baptême, une seconde planche de salut. Pour Luther, c'est trop relativiser le baptême en mettant à côté du baptême la pénitence. Le baptême est tout dans la vie chrétienne, en tout cas au début de la vie chrétienne, elle marque toute la vie chrétienne. Ou alors, encore, Luther s'étrangle d'indignation quand il lit Jérôme qui fait l'éloge de la virginité aux dépens du mariage. Ah non, ça c'est un barbare. En ce qui concerne l'héritage monastique, on a toujours souligné dans le passé, combien donc, la rupture opérée par Luther avec le monachisme, rupture considérée comme une caractéristique aussi du protestantisme. Il est certain que Luther a critiqué de bien des manières le monachisme, reprochant aux moines de contrevenir à la justification par la foi. D'après lui, les vœux perpétuels et contraignants sont à rejeter, mais la recherche actuelle met en évidence d'autres approches. Ainsi, la pénitence, comme démarche continue et personnelle dans la vie du chrétien, que Luther a tout à fait mis en avant, même s'il a critiqué Jérôme sur un autre point, la pénitence comme démarche continue et permanente et personnelle dans la vie du chrétien, que Luther met en avant dans les 95 thèses en l'opposant à la pénitence sacramentelle, cette pénitence s'enracine dans la pratique monastique qui est continuellement aussi une vie de pénitence jusque dans les exercices ascétiques. Et une fois par semaine, le moine devait se confesser. Cela vaut aussi pour la vocation. La vocation si importante chez Luther, Beruf und Berufung, Luther pense que tout chrétien, et pas seulement le moine, répond à une vocation de Dieu, mais pour commencer, il a tiré la notion de la vie monastique, de la vocation monastique. Alors d'autres apports du monachisme pourraient être relevés, et surtout il faut rappeler combien Luther estimait Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, à l'origine des cistériens, cité 500 fois par Luther. Je cite, « Un vrai chrétien qui ne se fonde pas sur son froc ou sur son ordre, mais sur la seule grâce de Dieu. » Fin de citation. Pourtant, Luther lui adresse aussi la même critique qu'à beaucoup de pères de l'Église, à son avis, Bernard de Clairvaux et même Augustin un peu, ils ont trop allégorisé dans l'interprétation de l'Écriture. Au lieu de s'en tenir au sens littéral, il y a un grand débat d'herméneutique, il faut bien que j'emploie une fois un terme savant, un débat donc sur quel est le sens des versets, des passages de la Bible, lorsque souvent le sens simple est difficile, alors on s'en sortait en l'interprétant de manière allégorique, ou bien on se référa à l'allégorie, par exemple, pour justifier le trésor des mérites du Christ au moment des indulgences. On trouvait que l'Évangile parlait d'un trésor dans les champs, et en allégorisant ce trésor, on pensait pouvoir justifier la conception du trésor du Christ des mérites du Christ et des saints. Luther, donc, dit les pères de l'Église allégorisent trop. Et puis, il leur reproche aussi de ne pas savoir toujours suffisamment le grec et l'hébreu. Alors, pourtant, il le savait, Jérôme en particulier. Alors, en ensemble, passons maintenant à un autre domaine des sources de Luther. Un ensemble de spécialistes d'aujourd'hui souligne la manière dont la mystique, en particulier la mystique rhénane, représentée en particulier par le dominicain strasbourgeois Tauler, 14e siècle, a marqué la démarche de Luther. Cette attention portée à la mystique est tout à fait nouvelle. Je parle de l'espace protestant. Au 19e siècle, il y avait un théologien célèbre allemand qui s'appelait Albrecht Ritschl, qui distinguait radicalement la mystique et Luther. Et il sera suivi au XXe siècle par ce qu'on appelle la théologie dialectique, c'est-à-dire Karl Barth et Paul Brunner, surtout Paul Brunner, a écrit un livre dont le titre est « Die Mystik oder das Wort », la mystique ou la parole. Aujourd'hui, on tombe presque dans le jugement inverse, au point de faire de Luther un grand mystique. Alors je suis plutôt de l'avis de mon prédécesseur Henri Strohl qui disait « Luther n'était pas un mystique, mais il était l'ami des mystiques ». En fait, ce que Luther a trouvé chez Tauler, notre Tauler local, et puis il y en a d'autres, Eckhart, on pourrait en citer toute une flambée, toute une flopée, c'est de ces théologiens mystiques, de la mystique rhénane. Ça, il y a plusieurs types de mystiques. J'entre bien sûr dans ce débat, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le lien avec la mystique rhénane. Les Allemands disent Deutsche Mystik, les Français disent mystique rhénane. C'est un petit débat d'historiographie qui va jusque dans la terminologie et dans le vocabulaire. N'est-ce pas les mêmes choses? Eh bien, on a des mots différents, on a un arrière-plan différent. Je n'insiste pas là-dessus. Ce que Luther a trouvé chez Tauler, qu'est-ce qu'il a trouvé chez Tauler? C'est finalement l'insistance sur le vécu et sur l'expérience. Et puis il apprécie chez Tauler, et puis dans la théologie théologia Deutsch, la théologie germanique, autre écrit mystique du XVe siècle, eh bien ce qu'il trouve chez eux, c'est aussi la nécessaire passivité de l'homme sur le chemin du salut, face à l'agir de Dieu. Et c'est jusque dans le vocabulaire qu'on trouve une sorte de consonance de Luther avec la mystique rhénane. Mais à la différence de certains autres acteurs de la Réformation, tels que Thomas Münzer, Luther va s'éloigner quelque temps après, après les années 20, en particulier en insistant beaucoup sur la parole. La mystique peut, d'une certaine manière, se passer de la parole pour trouver Dieu, mais pour Luther, il n'y a pas d'accès à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, s'il n'y a pas la parole. Je ne peux pas, dans ce bref exposé, évoquer les rapports souvent critiques, mais qu'il faudrait préciser avec la théologie scolastique, c'est-à-dire la théologie de l'école médiévale, avec notamment l'occamisme. J'ai déjà cité la formule de Lortz, comme quoi Luther aurait surmonté avec l'occamisme un courant théologique qui n'était pas catholique. Ce qu'il reproche à Thomas d'Aquin, et de façon très vive, c'était d'avoir introduit donc Aristote dans la théologie. Luther n'a pas de race de mots assez durs dès ses premières thèses sur Aristote en théologie. Il dit par exemple « Aristote est à la théologie comme la nuit à la lumière ». Donc, il faut rejeter Aristote de la théologie. Mais dans un grand ouvrage, qui a paru déjà un certain temps, le théologien catholique Otto Hermann Pesch a défendu l'idée, la thèse, ça, plus de 1000 pages, qu'il n'y avait pas de fossé infranchissable entre la théologie ontologique, dogmatique, cosmique de Thomas d'Aquin et celle plus existentielle de Luther. Alors à ce stade, vous seriez maintenant en droit de me demander quand est-ce que l'auteur va exposer maintenant la théologie de Luther. Je vais encore vous faire patienter un tout petit peu en proposant un chapitre sur la démarche de Luther. Il sera question, il est question dans ce chapitre de ce que Luther entend par théologie, de son interprétation de la Bible et de la manière dialectique dont il parle de l'expérience et de la foi. On a souvent opposé les deux, et pour Luther, justement, il peut dire que d'une certaine manière, la foi a le dernier mot, mais d'un autre côté, il n'oppose pas toujours la foi et l'expérience. La foi est pour lui une expérience sui generis, particulière. Celui qui entend la parole, goûte la parole, est rempli de confiance, rempli de joie, mais en dernière instance, il ne doit pas se reposer sur ses états d'âme, mais en dernière instance, il doit se reposer sur la parole, sur la parole. J'évoque ensuite la place des distinctions dans la démarche théologique de Luther. Il y a un grand théologien, le plus grand interprète de Luther, s'appelait Gerhard Ebeling, qui est mort il y a comme une dizaine d'années, qui a beaucoup toujours insisté sur les distinctions chez Luther et dans sa théologie. Et c'est vrai, ces distinctions, c'est d'abord évidemment tout théologien chrétien doit le faire, distinguer Dieu et l'homme, ou encore la loi et l'évangile, Dieu et Satan, la foi et les œuvres, et puis on peut continuer la liste encore avec d'autres réalités. Mais à l'encontre d'un certain nombre d'interprètes, mon exposé ne fait pas seulement place à la distinction ou aux distinctions, mais j'accorde beaucoup d'importance aussi à l'union dans la pensée de Luther, en particulier l'union fondamentale entre Dieu et l'homme, en Jésus-Christ, et d'autre part l'union sacramentelle, c'est-à-dire l'union entre d'un côté le pain et le vin et d'autre part le corps et le sang du Christ, ou encore l'union, Luther parle de simul plutôt, entre le justus et le peccator, l'homme, le chrétien est à la fois juste et pécheur, et toujours pénitent, et puis quelques autres types d'union. Et trois autres sous-chapitres traitent de la théologie et de la philosophie, de la langue et du langage de Luther. Vous savez que Luther a traduit la Bible en allemand. On lui a souvent attribué le mérite d'avoir créé l'allemand moderne, ce qui est quand même une exagération. Ce qui est sûr, c'est que Luther a créé des mots allemands. Par exemple, les mots de Sündenbock, Bilderstürme, Glaubenskampf et d'autres mots encore. C'est déjà assez de mérite pour ne pas en ajouter encore d'autres. Le quatrième chapitre est consacré à ce que j'appelle les visées et de la théologie de Luther. Je parle d'abord de sa théologie assertorique. Le mot semble un peu étrange. Ça veut dire que sa théologie est tout entière tournée vers l'affirmation de la foi. Par opposition à Erasme, il reproche à Erasme d'être fluctuant, de ne pas être précis, d'écarter des problèmes, des questions qui font problème. Lui, il dit, si tu ôtes les affirmations de la foi chrétienne, il n'y a plus de foi. Donc pour Luther, il faut avoir une théologie claire, affirmative, assertorique. Et puis, second sous-chapitre de ce chapitre, la place faite aux controverses. Alors, la liste est longue, ça commence, nous avons publié l'année dernière un ouvrage de polémique, de controverse de Luther avec le théologien catholique romain, qui s'appelait Latomus, ou avec le duc de Brunswick. Il est en controverse avec Thomas Münzer, avec Zwingli, avec Erasme, etc., etc. Et il y a des pages, il faut bien le reconnaître, il y a des pages et des passages chez Luther difficiles à supporter pour nous aujourd'hui. Nous n'aimons plus la polémique en matière religieuse. Nous aimons la polémique, à la limite, politique. Nous aimons lire le canard enchaîné. Mais si alors les théologiens se déchaîneraient aujourd'hui comme Luther s'est déchaîné, ce serait pour nous difficile à accepter. Alors, je dis toujours, au fond, on peut le dire avec une image, quand on lit ces livres ou ces écrits polémiques de Luther, quand il parle du pape comme du pape Anne, et ses écrits contre le pape, ou du pape, de la papauté instituée par le diable, etc., etc., eh bien, il faut, au fond, faire comme ceux qui cherchaient de l'or au Canada, aux États-Unis, il y a bien longtemps. Pour trouver l'or, il faut d'abord dégagez toute la gangue, tout ce qu'il y a autour, et ensuite vous trouvez les pépites d'or. C'est exactement ce qui arrive, ce qui peut arriver quand on lit les écrits de controverse, les écrits polémiques de Luther. Il faut, on trouve derrière, en dessous de l'exposé agressif, on trouve des pépites théologiques. Mais il faut avoir le courage de lire alors l'écrit jusqu'au bout. Malheureusement, Luther n'a pas observé le principe qu'il a proclamé. Un jour, il écrit « Moi, je fais la différence, comme il faut, entre le débat d'idées et le jugement sur les personnes. » C'est comme ça qu'il faut faire. Nous disons toujours qu'on veut le faire. Mais en principe, dans la manière où il a traité ses adversaires, on voit bien qu'il n'a pas du tout observé ce principe. Luther n'était pas un saint, au point d'ailleurs que Bernanos, qui pourtant a de très belles pages sur Luther, dit « Luther non, finalement non, parce que l'Église n'a pas besoin de réformateurs, l'Église a besoin de saints. » Mais cela dit, le curé d'Ars, qui est une des grandes figures de Bernanos, sous le soleil de Satan, vous avez de très belles pages aussi sur Luther, sur l'expérience religieuse et chrétienne de Luther. Alors la troisième visée de ce sous-chapitre est d'ordre pastoral. Ce sous-chapitre veut instruire et conforter les fidèles. Finalement, Luther était fondamentalement un pasteur. Il y a le controversiste, personne ne peut nier cela, mais fondamentalement aussi, il est pasteur. Il s'inquiète de la santé spirituelle, de la spiritualité des fidèles. C'est aussi cela qui le pousse à prendre position sur les indulgences, puisqu'il en voit les conséquences néfastes sur le plan pastoral. Alors, le plan pastoral, il veut instruire, conforter les fidèles. Ici, évidemment, je parle des classiques, des deux catéchismes de Luther, de ces 38 cantiques dont nous chantons encore un certain nombre, en particulier, évidemment, une Festbourg, que Heine, je crois que c'est lui qui l'a inventé, a qualifié de Marseillaise protestante. Et nous voilà enfin arrivés, avec le cinquième chapitre, à l'exposé proprement synthétique ou dogmatique de la théologie de Luther. Alors, il sera question, chapitre sous chapitre par sous chapitre, de Dieu, du Christ, du Saint-Esprit, de l'être humain, de la loi et de l'Évangile, de la justification par la foi, de la parole et des sacrements, de l'Église, des deux règnes et trois états, de la mort et de la fin des temps. D'entrée de jeu, je voudrais encore ajouter ici deux précisions. D'une part, quand j'aborde ces sujets classiques de toute dogmatique chrétienne, je prends toujours en compte le contexte de l'exposé de Luther, en particulier les destinataires de ses écrits. Et d'autre part, la plupart de ses sous-chapitres procèdent en deux temps. Je traite d'abord des principaux écrits de Luther, chronologiquement, suivant l'ordre chronologique, consacré au sujet. Il faut rappeler ici que Luther, à la différence de Thomas d'Aquin et de Calvin, n'a pas rédigé de somme. On est émerveillé devant cette cathédrale qu'est l'institution chrétienne de Calvin. Vous ne trouvez aucun écrit de Luther qui serait comparable à cela. Ces écrits répondent souvent à des urgences pastorales ou ecclésiales, à des situations ou à des questions qui lui ont été posées, mais il n'en fait jamais, en quelque sorte, la synthèse. Et puis, pourtant, après avoir donc étudié les divers écrits consacré un sujet, je présente in fine une synthèse de ses positions, en utilisant bien sûr les travaux qui ont été déjà consacrés à ces sujets, mais le lecteur averti pourra constater aussi la distance que je prends, sans entrer en débat parce que ce serait trop long, avec telle ou telle interprétation. Alors, après cet exposé qu'on peut qualifier d'objectif ou de dogmatique, peu importe ici le mot, le chapitre suivant expose sous un autre angle l'attention que Luther porte à l'objet de la foi. Et je parle maintenant de ce que j'appelle la théologie existentielle de Luther. Luther ne s'est jamais contenté d'un exposé neutre ou dogmatique sur des questions de foi. Il s'est toujours demandé ce que cela signifiait pour l'existence du croyant. En distinguant, il est d'une certaine manière, via Kierkegaard, l'ancêtre de l'existentialisme du XXe siècle. Alors Luther distingue précisément la foi confiance, qui est pour lui centrale, qui est l'essentiel, de toute autre, d'une foi simple savoir historique ou d'une foi simple adhésion à une doctrine. Et cette foi s'exprime donc par l'appropriation, Luther parle souvent de l'appropriation du promé, il ne faut pas seulement parler du Christ ou de Dieu, mais il faut toujours dire ce que le Christ, Dieu, le Saint-Esprit, ce que ça signifie pour moi, ce qu'il m'apporte. Et cette foi s'exprime évidemment aussi par la prière et par le témoignage dont il est également question dans ce chapitre. C'est tout cela pour montrer, à travers évidemment de nombreuses citations de Luther, la profondeur de Luther et son apport à la spiritualité chrétienne hier et aujourd'hui. Maintenant, on pourrait s'arrêter et dire « Amen, Alléluia ». Mais il faut être honnête et prendre en compte ce que j'appelle les sujets qui fâchent. Dans le septième chapitre, j'en évoque quatre. Le pape, la guerre des paysans, les juifs, les Turcs ou l'islam. Quand on fait un exposé sur Luther, ça m'arrive assez souvent, on se fait régulièrement interroger, voire agresser, plus ou moins gentiment, là-dessus. Et il ne faut pas se dérober. Alors ma démarche est double. D'une part, j'expose la démarche de Luther, les défis auxquels il s'est heurté. Il faut essayer de comprendre et de saisir les enjeux théologiques, les pépites dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, évaluer historiquement les tenants et les aboutissants de ces prises de position. Et d'autre part, sur le fond, essayer de percevoir la vérité et l'erreur qu'il y a eu dans les prises de position de Luther, sans tomber dans un anachronisme de mauvais aloi. Lucien Febvre disait que le seul péché qui ne sera pas pardonné à l'historien, c'est l'anachronisme. On est toujours tenté, on ne peut pas y échapper totalement, mais quelque part quand même, il faut essayer. Sans vouloir excuser Luther, mais sans le condamner aussi d'entrée de jeu. À l'origine, parlons du pape. À l'origine, Luther était plutôt papaliste. En 1520 encore, il écrit une lettre émouvante à Léon X. Et j'allais presque ajouter, mais je ne veux pas trop m'appuyer sur ce terrain, d'une grande actualité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre adressée à Léon X? Eh bien, le pape Luther met Léon X en garde contre son entourage, contre la curie. Mais peu à peu, le combat contre le pape, qualifié d'antichrist, devient terrible, et se poursuit jusqu'à la fin de la vie de Luther, un an avant sa mort. Il rédige encore un écrit de la papauté instituée par le diable. Et ce combat donc jusqu'à la fin, et bien au-delà de Luther, jusque dans le protestantisme presque du XXe siècle. Mais, je note aussi des passages dans lesquels Luther soit relève qu'il y a beaucoup d'éléments fondamentaux de la foi chrétienne conservés sous la papauté, soit affirme que, si le pape reconnaît la justification par la foi, lui, Luther, est prêt à lui baiser les pieds, donc à le reconnaître. En 1999, les luthériens et les catholiques ont signé officiellement un accord sur la justification, sur la doctrine de la justification. Une grande célébration à la cathédrale de Strasbourg. Alors, quelles conséquences faut-il tirer de tout ça? Nous sommes en pleine actualité écuménique avec cette question. Pour ce qui est de la guerre des paysans, entre 70 000 et 100 000 morts, le fait le plus tragique de l'histoire allemande avant le 20e siècle, avant le 19e siècle, dirait Karl Marx. Luther n'a pas été le seul réformateur a condamné le soulèvement. Tous pensaient la même chose à ce sujet. Mais aucun n'a assimilé à ce point les émeutiers au diable. Alors Luther, comme Bucer, Calvin, dénie au sujet, nous sommes au XVIe siècle, dénie au sujet le droit de se soulever contre l'autorité et récuse la référence à la liberté chrétienne. Il réclame la liberté, mais la liberté chrétienne, c'est autre chose, que c'est pas simplement l'abolition du servage, c'est un autre type de liberté. Et puis, je suis obligé de constater que Luther prend pas du tout en considération les anciens droits auxquels se réfèrent aussi les paysans pour se révolter. Mais, et on ne le relève pas assez en général, Luther vilipende aussi les autorités tyranniques et sanguinaires. Quant aux Juifs, sujet encore plus délicat et plus souvent abordé aujourd'hui, on peut dire de façon sommaire, je suis obligé évidemment d'être sommaire, que le jugement théologique de Luther sur les Juifs n'a pas varié, n'a pas changé, à savoir que les Juifs mettent leur confiance dans l'appartenance au peuple élu, dans l'observation de la loi, au lieu de croire à l'évangile qui annonce le salut pour tous par la foi seule, et d'accepter que les prophéties messianiques de l'Ancien Testament avaient été accomplies en Jésus-Christ. Donc, ça c'est le jugement théologique, du début à la fin. Mais ce qui change, dans les dernières années de la vie de Luther, ce sont les mesures concrètes qu'il propose de prendre à leur égard. Dans la première période, que dans les années 30, il incite les chrétiens à une attitude amicale envers les Juifs, d'autant plus, fait-il observer, qu'eux-mêmes succombent souvent à la justification par les œuvres. Donc ils sont mal placés pour critiquer les Juifs, puisque eux-mêmes veulent souvent se sauver par les œuvres. Mais, voilà, en 1543, c'est la catastrophe. Il propose de brûler les synagogues, de détruire les livres de prière et d'interdire aux rabbins d'enseigner. Tout cela, je reste sommaire, tout cela qui est horrible à nos yeux relève d'une peur irrationnelle qui a saisi Luther à partir de 1530, pas seulement à cause de ce qu'il appelle l'endurcissement des Juifs, mais parce qu'il croit que la société se judaïse et qu'il voit dans les, notamment les antitrinitaires et autres phénomènes, ou la catastrophe de Münster, introduction de la théocratie à Münster et d'autres choses. Et il voit dans les Juifs l'expression apocalyptique d'une proche fin des temps. Alors ces trois livres parus en 1543 ont par exemple, notamment l'un des Juifs et de leurs mensonges, ont été interdits ou n'ont pas été diffusés à Strasbourg. Il y a enfin, quatrième sujet qui fâche, les Turcs et l'islam. Le fameux cantique « Erhalt uns Herr bei deinem Wort » continue, on ne chante plus aujourd'hui comme ça, mais autrefois on chantait à la suite de « Erhalt uns Herr bei deinem Wort »« Steuer des Papst und Türkenmord » Donc, combat aussi le caractère meurtrier des Turcs, pas seulement du pape, mais les Turcs et le pape, c'est quasiment la même chose. Mais Luther ajoutait, le pape est plus dangereux, parce que le Turc, il vient avec ses gros sabots, mais le pape, il le fait subtilement, et le pape est assis dans le temple, dans l'intérieur de la chrétienté. Les Turcs viennent de l'extérieur, bon, ils combattent les chrétiens, mais en tout cas, ils sont dangereux aussi. Ils sont dangereux aussi. Alors, Luther s'est efforcé, je ne sais pas si elle a toujours réussi, de mieux connaître et de faire connaître l'islam en rééditant divers ouvrages. Et même, il a fait des efforts pour que le Coran soit imprimé, pour que les chrétiens soient éclairés, puisqu'il y avait des prisonniers chrétiens aussi chez les Juifs. Et il fait une série d'observations tout à fait pertinentes, tout en émettant aussi des jugements critiques tout en reconnaissant, c'est intéressant de lire ça, que les religions non chrétiennes comportent des vérités et puis que, d'une certaine manière, l'islam, avec ses règles, était attrayant, d'après lui, pour beaucoup d'hommes. Il récuse toute idée de croisade. Si les Turcs sont aux portes de Vienne en 1529, c'est vrai qu'il faut les combattre, mais ce n'est pas une guerre sainte. C'est une guerre simplement défensive contre des ennemis qui attaquent un territoire. J'en arrive au chapitre 8, qui est consacré au changement, aux variations de Luther. Voilà un thème qui a toujours été utilisé par les controversistes catholiques du XVIe siècle, presque jusqu'à nos jours, notamment par Corleus. Luther disait qu'il avait la manie de transformer les noms. Corleus, il le traitait de Rotzlöffel, et Eck, il le traitait de Dreck, etc. Enfin, nous retombons là dans les polémiques de tout à l'heure, je n'insiste pas. Or, ce Corleus avait publié un livre qui s'intitulait « Luther à sept têtes », illustré, vous voyez, sept têtes, donc, où il jouait sur les variations, voire les contradictions de Luther. Comment pouvez-vous faire confiance à un homme qui change tellement souvent d'opinion, dit-il. Cela dit, le problème est réel. Luther n'a pas toujours dit la même chose sur les mêmes sujets, ou en tout cas, il n'a pas toujours mis l'accent sur les mêmes points aux différentes époques. Ainsi, par exemple, il parle autrement de la Sainte Cène, un petit peu autrement, en insistant sur la foi, tant qu'il est question de combattre les conceptions romaines, mais quand il combat Zwingli, évidemment, il va davantage mettre au premier plan la présence réelle du corps et du sang du Christ. Ou encore, quand il parle du Christ jusqu'au conflit avec Zwingli, il se contente de parler des deux natures du Christ dans une seule personne, ce qui était tout à fait classique depuis les pères de l'Église, sans insister outre mesure sur l'union étroite entre l'humanité et la divinité. Mais quand il s'oppose à Zwingli, voilà qu'il parle, qu'il insiste sur l'étroitesse du lien entre l'humanité et la divinité du Christ, qui parle de la communication des idiomes. Résultat, il peut dire qu'au contact de la divinité, l'humanité du Christ ressuscité, élevé vers Dieu, est omniprésente, participe à l'omniprésence divine. Et inversement, ce qui est peut-être encore plus moderne, inversement, il peut dans cette optique aussi parler de la souffrance de Dieu. Dieu et l'homme sont tellement unis en Jésus-Christ que Dieu souffre. Grande profondeur dans ce qu'il dit à ce propos. Autre changement, j'en évoque l'un ou l'autre, autre changement, ce qu'il dit de l'invocation des saints, c'est seulement à partir de 1522 qu'il rejette cette invocation. Et bien sûr, le changement, je l'ai déjà dit, avec le regard porté sur la papauté et sur les juifs. Mais le changement le plus évident, et sans doute le plus regrettable d'une certaine manière, concerne la tolérance. En un premier temps, il y a de très belles pages de Luther, notamment 1523, mais avant déjà, quand il dit qu'il faut laisser libre cours à diverses manières d'annoncer l'évangile et de croire, et écarter toute emprise des autorités temporelles sur les consciences. Mais, à partir de 1525-26, et surtout dans un commentaire des psaumes de 1529, il défend l'idée qu'il faut une seule foi dans un territoire donné et qu'il faut réprimer ceux qui répandent des idées opposées aux doctrines communément admises ou ceux qui prêchent sans avoir été appelés à le faire. Il y a vraiment une différence donc entre Luther avant 1525, qui est tout à fait moderne, et Luther après 1525, une seule fois dans un territoire, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Ce sera Louis XIV, sauf différence avec Louis XIV, Louis XIV ne laisse pas partir les protestants, alors que Luther dit, il faut alors que la minorité ou la majorité, la minorité émigre, donc il admet ce changement. Le livre débouche alors sur la seconde grande thématique, rassurez-vous, je vais être plus bref, qui s'intitule « La place de Luther dans l'histoire ». il est d'abord question de l'autorité de Luther, de celle qu'il revendique, de celle que ses fidèles lui attribuent. Un grand débat, est-ce que Luther était un prophète ou un nouvel apôtre, un rebelle ou un docteur en théologie? Vous trouvez tout ça dans les biographies actuelles sur Luther. Évidemment, une biographie de Luther se vend mieux si vous mettez en sous-titre le rebelle de Dieu ou le prophète. Mais si vous mettez Luther le théologien, il faut déjà un petit peu s'accrocher. J'aborde également la contestation de son adversaire, de Luther par ses adversaires protestants catholiques, en traitant notamment, parce qu'il faut bien la traiter, la question du subjectivisme. Une autre problématique retient l'attention, c'est de savoir dans quelle mesure on peut qualifier Luther de novateur, comme l'ont fait longtemps les protestants et les catholiques, pour des raisons opposées bien sûr. Catholiques disaient novateur, il a tout changé, et les protestants disaient enfin la nouveauté par rapport au Moyen-Âge, au sombre Moyen-Âge, comme ils disaient. Il faut voir comment Luther lui-même a réagi à ce qualificatif et ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors d'autres sous-chapitres traitent de la rupture, de la confessionnalisation du christianisme et de la question de savoir si on s'oriente peut-être aujourd'hui vers un Luther non confessionnel qui pourrait être un maître pour toutes les églises. De Lortz à nos jours, le regard de Luther sur catholique sur Luther a manifestement changé avec une sorte de volonté d'appropriation de Luther en précisant oui à Luther, non au protestantisme. Donc mon ami Daniel Olivier, dominicain, assomptionniste français, qui a beaucoup fait pour présenter Luther notamment aux catholiques français, il avait cette formule étonnante, le protestant de Luther au protestantisme, c'est un accident. Donc, sommes-nous un accident? Un autre sous-chapitre, enfin, évoque l'apport de Luther à l'histoire culturelle et politique, toujours sous le mot du célèbre socialiste français Jaurès, qui disait, à propos de Luther, que celui qui renouvelle le ciel rénove la terre. Le chapitre 10, intitulé « Luther en son temps et pour notre temps », situe Luther dans son époque, ses mentalités, ses conceptions, ses préjugés. Luther, par exemple, pensait que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, alors que déjà Copernic avait déjà publié en 1543 une première étude. Bon, Luther était dans son temps, Ptolémée était encore archi-présent. Mais je propose aussi, et le livre se termine là-dessus, un ensemble de réflexions sur ce que Luther peut, à mon avis, apporter malgré la différence historique et en dépit de certaines limites et de certains errements, ce qu'il peut apporter aux croyants et aux églises d'aujourd'hui. Quand j'ai terminé l'ouvrage, le 1er février 2016, et que je me suis rendu compte du volume, j'ai d'abord été saisi de vertige. Et je me suis posé une question bassement matérielle, je vais vous l'avouer. Je me suis dit, à quel prix ce livre va-t-il être vendu? Et je peux vous annoncer une bonne nouvelle, j'ai été rassuré. 24 € pour 680 pages, ce n'est pas beaucoup. C'est le prix d'un bon repas. En espérant que le livre ne donne pas d'indigestion. Ma seconde crainte, c'est précisément le volume. 680 pages. Qui ne se lisent pas comme un Harry Potter. Et l'adage « qui trop embrasse mal étreint » m'est venu à l'esprit. Presque chaque chapitre ou sous-chapitre aurait pu faire l'objet d'un livre. Mais était-ce incongru ou trop risqué de tenter une synthèse? Inévitablement, il y a aussi dans le livre des redites, comme chez Luther d'ailleurs. Ça peut être lassant, mais ça montre aussi combien, dans des situations très diverses, on retrouve toujours les mêmes préoccupations théologiques et spirituelles de Luther. Cela fait 54 ans que je chemine avec Luther. Mon premier article a paru en 1962. Et je peux dire que si bien des polémiques de Luther me heurtent et que certains textes ou certaines prises de position me rebutent, il m'arrive encore et toujours de découvrir des idées, des formulations, des perspectives que je ne connaissais pas et qui me saisissent personnellement. En dernière instance, le sujet de Luther, c'est la foi. Une foi enracinée dans l'Écriture, vécue avec le Christ, et une foi ouverte aux défis de la vie humaine et de la vie sociale. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Linhart. On peut avoir encore 10 minutes, un quart d'heure pour un échange de questions avec le professeur, si vous le souhaitez. Il faut parler assez fort pour que tout le monde vous entende. Là derrière. Oui. Oui. Que Lucien Febvre condamne. Oui. Et je voudrais savoir quel peut être le rôle justement de Luther aujourd'hui dans l'affirmation de l'identité alsacienne. D'abord, je rappelle que Luther n'est jamais venu en Alsace. Sauf qu'il y a une théorie selon laquelle, de retour de Rome, il serait passé par la France. Donc, éventuellement, il a quand même passé par l'Alsace. Mais, bon, peu importe. Il est allé jusqu'à Heidelberg, qui n'est pas trop loin de l'Alsace. Alors, il faudrait pas dire la place de Luther a correspondu avec les réformateurs strasbourgeois. Il n'était pas toujours d'accord avec Bucer, notamment au sujet de la Sainte-Seine. Le réformateur strasbourgeois Martin Bucer était partagé jusqu'à une certaine date, était partagé entre les conceptions de Zwingli et les conceptions de Luther. Donc il y a déjà là une différence, mais Luther s'est réconcilié avec les Strasbourgeois, avec donc une fameuse concorde réalisée en 1536, la concorde de Wittenberg. Donc il y a de nouveau eu un rapprochement de Luther et de l'Alsace. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le protestantisme, qui est quand même l'héritier, malgré mon ami Olivier, le protestantisme est quand même l'héritier de Luther, d'une certaine manière, le protestantisme s'est implanté en Alsace et a constitué un tiers des habitants de l'Alsace à la fin du XVIe siècle. Et dans l'histoire de l'Alsace, la présence protestante en Alsace est beaucoup plus forte, proportionnellement, que dans la plupart des autres régions françaises. Donc, c'est cela là qu'il faudra montrer en détail, qui est la contribution directe ou indirecte de Luther à l'identité alsacienne. Ce qu'on peut peut-être quand même encore ajouter et préciser, pendant des siècles, pour donner encore cet exemple, la piété protestante alsacienne a été nourrie des catéchismes, du petit catéchisme de Luther. Je l'ai encore appris par cœur de A à Z au moment de ma confirmation, et puis donc la traduction de la Bible évidemment a été le fondement aussi de cette piété protestante à travers les siècles. Voilà en deux mots, hein. On pourrait encore dire beaucoup de choses. Quelqu'un veut défendre une autre identité? Une autre question? Pascal, Pierre? Oui. Vous avez rappelé les liens avec le monachisme de Luther. Vous avez parlé de ce qu'il devait aux écrits mis en exergue par les humanistes. Et vous diriez que c'est plutôt un homme de la fin du Moyen-Âge ou plutôt déjà un humaniste? Les deux, mon général. Les deux. Il a un pied dans le Moyen-Âge et un pied dans la modernité. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais l'image classique des protestants, Luther, un nouveau début, fin du Moyen-Âge, etc., est une fausse image, n'est-ce pas ? C'est pas le minimiser que de dire qu'il a qu'il a été influencé par le monachisme et par la mystique. Il a reçu ça de manière critique, mais il y a beaucoup de choses qui, les pères de l'Église, il en a été fortement, fortement marqué. Mais en même temps, il annonce quand même les temps modernes. Son insistance, notamment sur l'individu. Toutes ces pages, quand il dit « Personne ne peut croire à ma place », comme « Personne ne peut mourir à ma place ». Donc cette insistance aussi sur la distinction entre les deux règnes annonce d'une certaine manière la laïcité, si on veut bien. Et on pourrait continuer la liste de ce qui son rôle aussi dans l'émergence de la langue populaire. Tout cela montre que Luther est à la fois bien enraciné dans le Moyen-Âge, mais en même temps a joué un grand rôle dans l'émergence de la modernité, notamment aussi dans tout ce qu'il dit du vécu de la sainteté chrétienne dans le quotidien. Il met fin à une chrétienté à deux vitesses. Il n'y a plus le moine, le chrétien par excellence, et le laïc, mais tout le monde est laïc, y compris les pasteurs, et tout le monde est donc appelé à vivre aussi selon le sermon sur la montagne, sauf si pour les besoins, l'intérêt du prochain, il doit, par exemple, prendre les armes ou avoir un autre comportement que celui qui est précisé dans le sermon sur la montagne. Oui, Oui, j'avais une petite question. Est-ce que dans votre ouvrage, vous évoquez le lien entre le mouvement hussite, Jean Hus, et la pensée de Luther la réception de Luther, oui. Des guerres hussites, puisqu'on parlait des guerres des paysans, oui. Des guerres hussites. Je parle évidemment de Jean Hus. Jusqu'en 1519, Luther était critique vis-à-vis de Hus. Et c'est seulement à partir de 1519, lorsqu'il s'oppose à Jean Eck, et qu'il dit que les conciles peuvent se tromper, il dit, voyez, le concile de Constance, il s'est trompé, ce concile, en condamnant Jean Hus. Mais je n'entre pas davantage dans les liens entre Luther. Vous savez, il fallait se limiter, hein. Donc j'ai dû faire des choix, hein. Et effectivement, donc, j'ai pas pu évoquer donc les rencontres que Luther a pu avoir avec des représentants des frères de Bohème. Donc ça n'est pas dans le livre. Oui, monsieur Albecker. Oui, vous l'avez évoqué à un moment donné. Comment est-ce que vous voyez les chances pour Luther de devenir en quelque sorte la passerelle pour l'œcuménisme de notre temps, parce qu'on voit quand même, alors on l'a x fois dit, c'est la première fois qu'on célèbre ce centenaire au plan œcuménique. On l'a vécu ici à Strasbourg avec une rencontre entre le conseil épiscopal, le conseil de l'Union, puis le pape, avant d'aller à Lund, a dit des choses très notamment il a évoqué la relation qu'il avait avec ce pasteur luthérien suédois qu'il a aidé dans des moments difficiles, ce qui lui a valu des attaques abominables de la part de ces conservateurs catholiques. Donc est-ce qu'il y a là autre chose qu'un phénomène un peu passager, ou est-ce que vraiment Luther pourrait devenir au fond une chance nouvelle pour l'œcuménisme? Moi je constate quand même que depuis 50 ans le dialogue œcuménique théologique autour de Luther a grandement avancé, et qu'on a aujourd'hui un regard d'un certain nombre de théologiens catholiques sur Luther impensable il y a encore 50 ans. Quand on pense à toute l'histoire qui est... Et si on veut faire un œcuménisme aussi de dialogue théologique, on ne peut pas se passer de Luther. N'est-ce pas? Et j'ai même une fois entendu un théologien catholique dire, au fond, seulement un catholique pourrait faire vraiment une vraie biographie de Luther. Parce que tellement Luther est enraciné dans le monde catholique, et en même temps le transforme de l'intérieur. Donc les catholiques ressentent quelque chose chez Luther que les protestants ne sentent plus. J'ai une fois écrit un article qui s'intitulait « Est-ce que Luther était protestant ?» Luther se confessait régulièrement. Luther insistait sur une célébration régulière de la Sainte Cène. Pour vous donner maintenant deux éléments, Luther ne voulait pas abolir, par exemple, l'épiscopat. Il était plus critique vis-à-vis de la papauté, à la différence de Mélenchon. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a largement quand même avancé, grâce notamment à la relecture de Luther sur des questions de spiritualité, de foi, et grâce à des ouvrages comme ceux de Pêche, et que maintenant on est à l'os dur, d'une certaine manière, du différent catholique-protestant, c'est-à-dire la question des ministères, et en particulier la question de la papauté. Mais même là, il y a des avancées possibles, à condition de s'y mettre. Je ne suis pas aussi pessimiste que certains quand je vois ce qui s'est passé en 50 ans, grâce aussi d'ailleurs à Vatican II. Il faut bien dire que, dont on a pu dire que Luther était l'observateur caché, ce que personne n'a encore pu prouver. Mais il y a quelque chose, il y a des thèmes, par exemple, nous disons toujours, les protestants et Luther, c'est le sacerdoce universel des laïcs, etc. Mais il faut lire ce que dit aussi Vatican II sur le rôle des laïcs, c'est pas un abîme entre les laïcs et les prêtres, on valorise les laïcs, ce que le Vatican II dit de la lecture de la Bible, c'est pas, voilà quelque chose de tout à, et d'ailleurs le pape actuel l'a répété, je crois, à Lund, combien les protestants ont été, et Luther ont été importants dans la redécouverte et la relecture de la Bible, ça. Et il y a d'autres apports. Je pense que nous sommes maintenant entrés dans une ère d'émulation spirituelle et non plus de concurrence. Pendant des siècles, on s'est défini par le rejet de l'autre. Et cette ère devrait être terminée. C'est pas en condamnant les protestants qu'on sera, les catholiques, qu'on sera un meilleur protestant ou réciproquement. Mais c'est vrai que cette façon de se définir par rapport aux autres, ça la vit dure. Moi, j'ai été pasteur dans un village protestant, et ben je peux vous dire que le regard porté sur le village d'à côté, qui était entièrement catholique, et ben c'était pas piqué des verres, hein. Et réciproquement. Et les mariages mixtes qui m'est arrivé de vivre, ça y allait, hein, ou plutôt ça y allait pas, hein. Une anecdote sur ce sujet, justement, un pasteur essaye d'expliquer à ses enfants, et il péniblement cherche comment, à ses petits enfants catéchisme, l'histoire de David et de Bathsheba. Et il aimait tellement Bathsheba, etc. Mais il peut pas l'épouser. Petite fille se lève et dit, est-ce qu'elle était catholique? Oui. Une dernière question par Mathieu Arnold. Je sais pas si on, vu l'heure, je ne sais pas si on peut encore. Monsieur Arnold. Ouais. Merci beaucoup d'avoir souligné, comme vous le faites toujours, aussi les faiblesses de Luther, parler de sa polémique. J'ai simplement une question. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que Luther, il y a peu de gens qui, autant que Luther, ont été attaqués dans l'histoire du christianisme. Prenez la polémique en France dans les années 1520, en latin, il a pu la connaître. Il y a des choses terribles qui ont été écrites sur Luther. Ça ne relativise pas ce qu'il a dit, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut dire aussi. C'est qu'il a été, j'y pense parce qu'une de nos collègues théologiennes allemandes a dit avec un peu de dédain, Luther n'a pas pratiqué l'amour de l'ennemi. C'est pas faux, mais on peut se demander si un théologien actuel, recevant le dixième des attaques qu'a reçu Luther, pratiquerait l'amour de l'ennemi. Je ne parle pas des juifs ici, pas du tout, mais simplement, Luther a été vraiment, il faut se rendre compte qu'il a été victime d'une polémique du début jusqu'à sa mort. Terrible. C'est vrai. Donc on a peine à se représenter. C'est vrai, notamment le nonce Aléandre, on pourrait citer beaucoup de choses. Il devait tout le temps se défendre. Et ça explique aussi la violence de ces propos. Mais on reste quand même quelquefois un peu surpris, hein, et cette manière aussi de lier la défense des idées et l'attaque des personnes, hein, qui est pour nous impossible. Hein. Il faut essayer. Et ce n'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi qu'il est forcément un idiot, n'est-ce pas? Donc il faut essayer de faire, si on peut, la différence entre les idées et les personnes. Mais le XVIe siècle ne trouvait ça tout à fait normal, qu'on s'affronte aussi violemment, n'est-ce pas? On m'a demandé l'autre jour comment ça se fait, qu'il y a eu toutes ces guerres de religion, etc. Mais il faut se rendre compte aussi que les hommes de l'époque, et encore Louis XIV, étaient convaincus que si dans un territoire donné, il y avait une pluralité de foi, l'État et la nation s'effondreraient. Donc l'idée qu'il puisse y avoir dans un territoire donné plusieurs fois et plusieurs... Ce n'est pas du XVIe siècle. La tolérance étant bien rare, aussi bien dans les territoires protestants que dans les territoires catholiques. Mais il faut essayer de trouver les pépites, et il y en a beaucoup, les pépites derrière ou en dessous de tout ça. Voilà, merci Monsieur Linard pour cette exposition.